Dossier 2, livre page 22. 1. Marianne, quel âge as-tu ? J'ai 12 ans. 2. Et toi, Sarah, tu as quel âge ? J'ai 13 ans. 3. Robert a 13 ans aussi ? Non, il a 16 ans. 4. Et toi, Alexandre ? Moi, j'ai 15 ans.